Lettre 53e, Théophanie à Sulpici, Nicée, octobre 302. C'est d'après tes instances et celles de mon cœur, mon aimable ami, que je t'écris du fond de ma solitude, où je trouve enfin, après maints orages, la tranquillité que je cherchais. Je ne suis point resté à Nicomédie, ainsi que tu le vois par la date de ma lettre. Un être errant et malheureux trouve partout une patrie et quelques âmes bienveillantes qui s'intéressent à son sort. Je n'ai, dans le monde entier, excepté la famille dans laquelle je vis, et une seule amie dont je suis éloigné par des raisons impérieuses, je n'ai, dis-je, rien au monde, pas une âme qui me fasse désirer d'habiter un endroit plutôt qu'un autre, et qui puisse me faire changer en rien ma manière de vivre. Je suis seul dans l'univers. C'est, je t'assure, un sentiment bien pénible de se sentir ainsi isolé, de savoir que notre bonheur n'égaie personne, et que nos malheurs ne font couler aucune larme. Cela est bien triste. Cependant, cette situation a un côté consolant. Les objets et les événements de cette vie nous sont si indifférents que nous arrivons à cette résignation apathique, à ce calme que nombre de sages de l'Antiquité envisageaient comme le premier bien et le seul but auquel on doit tendre. Il est bien difficile d'y parvenir quand on a autour de soi des objets d'un vif intérêt, et la religion chrétienne, tu as sans doute deviné que c'était la mienne, nous recommande principalement ce calme et ce détachement de tout, comme un moyen assuré d'oublier le monde, ses plaisirs, nous-mêmes, et de travailler à notre sanctification et à nous perfectionner. Quelle que soit cependant la tranquillité actuelle de mon cœur et mon indifférence pour les plaisirs et les peines qui ont été mon partage ici-bas, je n'oublierai jamais, sois-en bien sûr, la soirée que j'ai passée à Saint-Iom. J'ai appris à te connaître, bonne et sensible Sulpici, et si je ne me trompe, je crois avoir trouvé en toi une femme familiarisée avec le malheur, qui comprend les infortunés, qui sait les ménager, et j'ose me flatter que le souvenir de la pauvre voyageuse à qui elle a donné un asile et offert son amitié n'est pas effacé de son souvenir. Cet espoir me donne l'assurance que cette lettre sera bien reçue, et que ce ne fut pas seulement la politesse qui t'engagea à me demander de t'écrire, mais le désir d'avoir des nouvelles de celle à qui il ne fallut que de passer quelques heures avec toi pour t'aimer tant qu'elle vivra. Si ta belle amie, dans le tourbillon de la joie et des occupations de ses noces avec l'homme qu'elle aime, dont elle est aimée, et dont tu m'as fait un si beau portrait, si Calpurnie, dis-je, se rappelle une apparition aussi indifférente pour elle que le fut la mienne, parle-lui de moi, je t'en prie. Dis-lui combien je prends de part à son mariage. Je voudrais savoir s'il est déjà fait ou quand il se fera. Si tu me fais la grâce de me répondre, dis-moi tous les détails d'un événement qui t'intéresse et qui ne peut par conséquent être indifférent pour moi. Les charmes de Calpurnie, son amabilité irrésistible et ton amitié pour elle me font désirer de savoir le jour et l'heure fortunés qui décideront de son sort, afin de le célébrer dans ma solitude d'après les sensations de mon âme. J'ai encore une prière à te faire. Elle est indiscrète, je le sens bien, et je n'ose pas te la dire. Elle n'est point relative à toi, et dépend de l'heureuse épouse. Si j'osais espérer de lui avoir inspiré un peu d'intérêt, je voudrais lui demander une preuve, qui serait de sa part une grande complaisance. Si tu la crois disposée à me l'accorder, je te dirai ce que c'est dans ma prochaine lettre. Je finis celle-ci en me recommandant à ton souvenir. Fin du tome 2 de Agathoclès de Caroline Pichler.